Ouais, voilà. Ouais, c'est Badran là, hein. Pour tous les rageux là qui parlent mal derrière nous là. Eh, nous n'achète pas de vue, nous, hein. Eh, c'est du réel, hein. Ouais, les bilets, hein. Comme on dit, un rebeu plus un Renault est égal à un vrai réseau. Mais on est tous crapuleux dans le ghetto, les gars. J'ai volé chez les gens, j'ai volé du Kamas. Fais ton appel, toi. Comptez sur les autres, c'est pas comme ça que ça marche. Jamais, jamais. Si je mets des millions, j'achète un Famas. J'achète un Famas. Si je ne dors plus la nuit, c'est que je boirai du Malia. J'enchaîne les péchés, donc je ramasse. Après un bon plan, je me vois finir au Bahamas. Les meufs, y'a des vrais, y'a des chiennasses. Y'a beaucoup de drôles et la pauvre quand tu ralasses. La pauvre quand tu ralasses. Négro, tu vas voler des bijoux. Voler des bijoux. Voler des Négro, bijoux. Négro, tu sens pas les couilles des bisous. Ouais, ya ya. Tes kilos sont sur la A3. Sont sur la A3. Sont sur la A3. Au bigo, j'parle de mon patois. J'parle de mon patois. J'vais tous vous démonter. J'suis obligé, ma foi. Ouais. Non, t'inquiète, mon petit lapin. Je ne parle pas qu'à toi. Tana Squash. C'est vrai qu'on contrôle la thèse. On contrôle la thèse. Qui dit contrôle la thèse, dit gère le business. Dieu merci, j'ai connu la hesse. Un million d'euros, pour moi c'est des pièces. J'balance des punchlines just pour mes ennemis. J'vais te percer pour nourrir la famille. Bifi et Bramza, ça c'est mes amis. Et si c'est le Darfour, on souffre de la famine. C'est vrai que j'ai perdu du temps. Qui dit perdu du temps, dit perdre de l'argent. Le temps passe, je deviens plus méchant. Je suis né pour triompher, je vais être une légende. Là d'où je viens, y'a air dans le frigidaire, sauf ta catine. Si la pipi marche plus, fais comme ta mère, fais une tontine. Papa tape maman, maman bat l'enfant, l'amour c'est violent. La France puis l'Afrique, la Chine puis l'Afrique, et nous on fait comment? Dites-moi. La vengeance se mange froide, j'achète un magnum. Mon sang est rouge et chaud, comme le magma. Comme le magma. Aussi vierge qu'une beurette. Ouais. J'ai dit t'es aussi vierge qu'une beurette. Tana Squash. C'est vrai qu'on contrôle la thèse. Contrôle la thèse. Qui dit contrôle la thèse, dit gère le business. Dieu merci, j'ai connu la hesse. Un million d'euros, pour moi c'est des pièces. J'balance des punchlines juste pour mes ennemis. J'vais pas percer pour nourrir la famille. On souffre de la famine. Ils disent le Darfour, on souffre de la famine. On souffre de la famine. Ils disent le Darfour, on souffre de la famine. Ils disent le Darfour, on souffre de la famine. C'est vrai que j'ai perdu du temps. Ouais, elle est rageux. Allez pas faire polémique. Eh, quand je dis beurette, je parle de toutes les meufs qui sortent le week-end là et qui se font passer pour des meufs jevières. Tu vois, on les a cramés nous, hein. On sait c'est qui, tu vois. Mais y'a pas de racisme. Bye bye, bye. Bye bye, bye.